Vous êtes à l'écoute de Puissance Maximale avec Franck Pithiou, invité d'honneur de Géanime 2012. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique. Aujourd'hui, un podcast spécial pour faire notre mea culpa à notre collaborateur, M. Pierre-Luc Pelletier, lors de l'émission spéciale qui a eu lieu lors du Radioton de CKIA FM le 28 octobre dernier. On avait Pierre-Luc qui est venu nous parler assez tôt le matin, lors de la première heure de notre 3 heures de spécial le dimanche, pour nous parler de deux livres, deux romans, deux fictions portant sur la sécurité informatique. Et là, malheureusement, on n'a pas pu récupérer, à cause de problèmes techniques, ce segment-là. Donc, voilà, j'ai contacté Pierre-Luc plus tôt cette semaine là, pour reparler finalement des livres dont il nous avait parlé lors de l'émission. Bonjour Pierre-Luc, comment ça va? Oui, bonjour Michael, comment vas-tu? Toujours bien, toujours bien. Et d'ailleurs, on tient tout d'abord à s'excuser des problèmes qu'on a eu. On n'a pas pu remettre ta chronique en ligne avec le reste de l'émission. Donc là, ce qu'on va faire finalement, c'est qu'on va se rattraper et on va reparler des livres dont tu nous avais parlé. Et on va commencer par le premier. Donc, tu nous parles aujourd'hui de fiction liée à la sécurité informatique. Ouais, exactement. Donc, c'est deux fictions. Donc, je voulais vous parler de deux romans, mais qui sont du même auteur. Donc, l'auteur, c'est Marc Russinovitch. Donc, c'est ça. Cet auteur-là est connu par les gens qui travaillent en informatique, en règle générale, parce qu'il a fondé Win Internals. Donc, c'est une société qui faisait des outils Windows, liés à Windows. Donc, il est très connu pour ça. Les gens le connaissent de cette manière-là. Puis, en fait, lui a été racheté par Microsoft. Donc, il travaille maintenant pour Microsoft. Puis, dans ses temps libres, il écrit donc de la fiction. C'est en lien avec son travail, bien sûr, mais plus spécifiquement avec la sécurité informatique, là. Lui, il faisait donc dans son travail, c'est plutôt du diagnostic Windows. Donc il avait créé toutes sortes d'outils donc de diagnostic. Et là, il s'en allait plutôt vers donc la fiction de sécurité informatique. Donc il en est à son deuxième livre. Le deuxième livre est sorti en septembre, donc très début septembre. Donc c'est pour ça que j'en parle. J'ai pas lu encore le dernier livre, mais le premier. J'avais adoré. Le premier, ça s'appelle 0D. Donc, un 0D, en gros, c'est tout simplement une vulnérabilité qui a été trouvée par les hackers en premier et qui a été donc utilisée par les hackers en premier. Là, tu nous parles de fiction, par exemple, Pierre-Luc, mais là, c'est des romans qui se passent dans quel contexte, là, tout d'abord là, du livre que tu viens de nous parler, là? Est-ce qu'on on va pas juste nous parler de sécurité informatique? J'imagine qu'on est dans un contexte bien précis. Là, ça nous parle de quoi, ce livre-là? Exactement, donc c'est deux romans, donc c'est vraiment de la fiction, sauf que ça s'appuie sur des faits réels, sur des capacités techniques réelles que les hackers ont déjà. C'est un peu l'aboutissement ou le pire qui pourrait arriver si on veut. Et lui a mis ça dans une fiction pour un peu alerter les gens. C'est un peu une façon pour lui d'ouvrir les yeux là au monde, aux gens donc qui sont pas nécessairement techniques. Parce que c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment des livres qui s'adressent un peu à n'importe qui. Par exemple, Dan Brown a fait le même genre c'est ce qu'il appelle un techno-thriller. Dan Brown a fait la même chose là, avec Forteresse Digitale, par exemple, que j'ai lu aussi, que j'ai adoré, que je vous conseille aussi d'ailleurs. C'est accessible, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais en même temps, ça donne une espèce de vision réelle de ce qui pourrait arriver si les hackers s'y mettent, quoi. Donc c'est vraiment un peu épeurant, mais en même temps c'est vraiment intéressant du point de vue technique, en tout cas pour moi qui est encore plus calé dans le sujet là que n'importe quelle personne qui lirait le livre. Donc, dans 0D, finalement, on suit quel personnage? Qu'est-ce qui se passe dans ce livre-là? En fait, les deux sont liés. Donc, l'un est la suite de l'autre, bien sûr. Donc, le premier livre, 0D, donc, ça parle de comment Al-Qaïda pourrait financer les hackers sur Internet sans trop qu'ils sachent le pourquoi. Donc, puis avoir la vision globale, chaque hacker ferait des petits bouts de code, puis finalement, ça donnerait une espèce de tempête incroyable sur Internet qui finirait par... Mais en fait, le but, évidemment, c'est de détruire le monde occidental, là. Donc, c'est un peu ce qu'ils essaient de faire. Et donc, de l'autre côté, on a comment dire, la police, puis toutes sortes d'organismes gouvernementaux américains qui s'y mettent pour essayer d'empêcher en fait le pire d'arriver là. Donc ça c'est pour le premier livre super intéressant que j'ai lu. Le deuxième livre lui s'appelle Trojan Horse, donc cheval de Troie là en français. Donc ce livre-là parle plutôt là de l'espionnage industriel puis gouvernemental qui peut avoir lieu, mais qui a déjà lieu d'ailleurs. Et qui peut donner lieu là, à des crises diplomatiques vraiment intenses. Ben oui, justement par rapport à ça, là, on a vu là, qu'il n'y a pas si longtemps encore, les États-Unis faisaient des critiques envers le Canada, vu qu'ils commençaient à faire affaire en fait avec une compagnie chinoise qui était fortement soupçonnée d'utiliser en fait leur entrée dans les pays occidentaux pour faire de l'espionnage. Donc là, on peut entrer un peu dans le genre de contexte-là, un peu de genre d'histoire-là. Exactement, exactement. Donc c'est le genre de choses qui peut arriver puis qui est déjà en train d'arriver. On a même quelques pays comme la France puis les États-Unis qui ont commencé, oui, à sortir, en fait, penser à sortir tout ce qui est équipement réseau qui aurait été fait en Chine ou par des compagnies chinoises. Et puis ça, c'est pas facile parce que tout est fait en Chine aujourd'hui, hein. Donc c'est vraiment compliqué comment dire, de tester ces environs. En fait, ces routeurs-là, ces switches-là, tous les équipements réseau et autres qui sont donc achetés de Chine, puis ça ferait en sorte que il y aurait probablement des vulnérabilités qui auraient été mises en place potentiellement par le gouvernement chinois. Là, on parle vraiment au travers de notre chapeau, là. Il n'y a personne qui a réussi à prouver ça, mais en fait, c'est la crainte. Donc, des politiques qui perdent le contrôle de leur propre réseau, en fait. Donc, dans Donc, Trojan, on va toucher un peu à. Est-ce qu'on va toucher un peu. Tu l'as dit tantôt, en fait, là, on va toucher à cette problématique-là dans Trojan Horse. Est-ce qu'on est encore dans un contexte de gouvernement contre un réseau terroriste, ou on va plus dans le corporatif, mettons, dans Trojan Horse? ça va vraiment de gouvernement contre gouvernement. Et puis, par la bande, le corporatif aussi, puisque les grandes compagnies, souvent de certains pays, peuvent avoir des influences jusque dans le gouvernement. Donc, le but étant de déstabiliser le gouvernement ennemi, on peut passer par les corporations, oui. Donc, il y a beaucoup d'argent d'impliqué, il y a beaucoup de politique d'impliqué. Donc, c'est vraiment un peu... C'est vraiment le scénario de fin du monde, mais dans une espèce d'optique techno et politique. Donc ça peut être très intéressant. En tout cas, moi, c'est clairement mon genre de lecture. Est-ce que dans Zero Day et Trojan Horse, là, vu que c'est le même auteur, là, j'imagine qu'on a un peu le même style d'écriture, un peu le même genre comment je pourrais dire ça, d'atmosphère, là. Est-ce que c'est un. Vous, là, tu me disais tantôt que c'était quand même facile à lire, que c'était pas trop technique. Donc, ben, de façon pour le style d'écriture, là, est-ce qu'on ça coule bien? Est-ce que des fois on peut buter sur le style de l'auteur, ou c'est vraiment quelque chose qui se lit vraiment facilement? Est-ce que c'est semblable de Zero Day à Trojan Horse, par exemple? Ben, c'est sûr que moi, ayant pas lu le deuxième, je peux pas parler, mais le premier, moi je peux dire que c'est tellement bien amené que la partie technique, on la voit presque pas. Il explique en gros comment des capacités qu'on utilise déjà aujourd'hui d'Internet peuvent être complètement détournées. Puis c'est tout à fait plausible et clair et facile à... Je veux dire, ça coule dans le texte, effectivement. Par rapport à ça, c'est ça. Je veux dire, la force de l'auteur, je pense, c'est justement d'amener ça à un niveau où n'importe qui peut comprendre. Puis, justement, à rentrer dans l'espèce de la même presque paranoïa qui est propre à mon domaine. Donc on va le vivre finalement, ce Ah oui, sentiment carrément. de paranoïa là, puis c'est ce qui va rendre finalement l'œuvre plus immersive là, qui fait qu'on va plus y croire un peu. Oui, c'est ça. Puis bon, comme vous avez entendu parler de, ben, en fait, vous m'auriez entendu parler de ces deux livres-là. Puis je vous donne la certitude que, ouais, c'est tout à fait plausible techniquement. Après, c'est juste les, bon, je veux dire, c'est romancé. Il y a relativement, tu vois, une histoire d'amour avec ça. Évidemment. Bon, c'est sûr que ça vient avec. Mais sinon, ouais, toute la partie technique est. Et je veux dire, c'est carrément quelque chose qui pourrait arriver. Le reste, c'est sûr, c'est de l'habillage pour rendre un roman intéressant aussi. Donc, Excellent. à tous les niveaux, c'est intéressant, il n'y a pas de problème là. Excellent. Donc, Pierre-Luc, tu nous parlais de deux livres, donc de Monsieur Russinovitch, mais peux-tu nous rappeler son nom complet? Oui, donc c'est Marc avec un K, bien sûr, c'est un Américain, Marc Russinovitch. Et les deux livres, c'est 0D. Et Trojan Horse, disponible malheureusement en anglais seulement pour le moment. Donc, on espère que ce soit bientôt traduit. Mais ouais, sinon, il faut avoir un bon anglais, malheureusement. Donc, Pierre-Luc nous parlait de ces deux livres-là, deux techno-trailers portant sur la sécurité informatique. Je te remercie beaucoup, Pierre-Luc, d'avoir refait ta chronique avec nous aujourd'hui. Et voilà, on se voit une prochaine fois à l'émission. Ça fait plaisir, Michael. Merci. Sans problème. Et c'est tout pour ce podcast de Puissance Maximale. On vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un site Internet. Et donc, le www.puissancemaximale.com où vous êtes présentement sur la page Facebook. On vous demande toujours de venir nous voir, de venir aimer la page. Donc, barre de recherche Puissance Maximale pour nous retrouver facilement. Et on vous rappelle que les émissions régulières de Puissance Maximale sont toutes les semaines, tous les jeudis à 18h au CKIA FM 88.3 à Québec. Et aussi, vous pouvez aller sur le ckiafm.org pour aller écouter tout ça en direct ou sinon sur notre site pour les versions podcast. Alors, à la prochaine!